pour ne pas vivre, vivre pour ne pas se faire avoir à nouveau, te voir pour te haïr pour m'aimer, aimer. Manger des frites pour tasser le mal, à boire pour oublier, se lier les doigts pour ne plus pouvoir espérer, pleurer pour faire sortir le mal, le mal.